Vous devriez pas commander ce que je dis, vous devriez parler de vous-même. Partez de vous-même. Ben, oui, c'est ça, je veux dire, on sait que de la façon qu'on a compris ça, mais... Quand vous racontez, vous parlez de vous-même, plus vous parlez de vous-même, plus vous développez à partir de vous-même. C'est pas ce que je dis qui est important, c'est ce que vous pouvez vous-même parler. Si vous redites ce que je dis, vous direz jamais comme je le dis, c'est une autre vibration. Fait qu'automatiquement, ça va être mal interprété. Moi, si je m'assieds avec Michel, puis on parle, on peut parler, on parle. Je comprends absolument rien de ce que je dis, de ce qu'il dit. Ça rentre. C'est vibratoire. C'est pas psychologique. Il peut me parler de n'importe quoi. C'est vibratoire. La vibration est correcte. Ça rentre. Tout d'un coup, eux autres, s'ils veulent ajouter quelque chose à ça, bon, puis il y a une autre vibration qui rentre, puis on voit seulement. C'est jamais psychologique. Quand on se parle ensemble, on ne devra jamais rien comprendre. Si vous comprenez quelque chose quand on se parle, c'est parce que vous comprenez rien. Ça, c'est trop, mais... Comprenez-vous ça? C'est l'intelligence. Si vous comprenez quelque chose quand on se parle, vous comprenez absolument rien. C'est ça que je dis tout le temps, c'est pas les mots, c'est les vibrations. Si vous comprenez quelque chose, c'est ça. C'est ça que tu comprends. C'est ça, des fois, où je te dis, j'ai jamais dit, mais je peux pas te l'expliquer. Mais... Je vais pas t'expliquer, mais... C'est vibratoire. Parce que la vibration, ça pénètre, ça se fait sentir. Mais quand on essaie de l'interpréter, on embarque sur le côté intellect, c'est là qu'on s'embrouille. C'est ça. On essaie de tout rationaliser, puis là, on se met le doute en question, mais c'est-tu vraiment ça, c'est-tu vraiment pas ça? C'est ça. Automatiquement. Ce qui est dit vibratoirement, ne se répète pas. Ce qui est dit vibratoirement, n'a pas besoin de répéter. Ça se répète pas. Si ça redit, c'est ça. C'est ça. Moi, je disais que tout ce que l'homme avait appris dans les livres de méditation, tout va être fait. Effectivement. C'est sûr. Effectivement. Très effectivement. Qu'est-ce qui a été mis dans les livres vibratoirement? Ça ne s'explique pas. Ça ne peut pas être écrit si c'est vibratoire. Ce qui est reçu. Mis dans les livres, s'il a reçu les bras de corvette, Ça va porter à l'intelligence. Il dit que si on comprend quelque chose, on comprend rien. C'est pour ça que je comprends. Jamais. Il y a un séminaire en fin de semaine, la fille était toute démontée parce qu'elle comprenait rien. J'ai dit, parfait, tu comprends tout. Mais elle dit, je comprends rien. J'ai dit, c'est ça, tu comprends tout. Elle n'a pas compris ce que je voulais dire. Elle était toute devinée parce qu'elle comprenait rien. Lui, il comprend, mais je suis sûr. Je comprends que je suis arrivé à comprendre parce que c'est... Mais ouais. Tu veux un break? Tout le monde sortait et me disait, je veux tout comprendre la première partie, je veux tout comprendre. Mais moi, je ne comprenais jamais rien. C'est moi, là, tu... Qui c'est qui commence à comprendre ça? Qui a rien à comprendre? Moi. Tu comprends ça? On se souvient plus de rien quand on... Moi, je me dis, on va être quand ça va être le temps. Mm-hmm. Parce que pas de quoi ça la tête. C'est quand tu penses, tu as la pensée de comprendre quelque chose que tu le rationalises. Ouais, automatiquement. Mm. C'est pareil comme la semaine passée. Là, tu t'embauches. Oui. Puis là, tu rentres dans le doute. Puis c'est pas ça. Ça dit pas ça. Ouais, je commence à être bien de pas bien dans ma peau. J'ai hâte d'être bien dans ma peau, mais là, je suis bien. Ah, c'est un début. C'est un début, ça. Quand la dernière conférence, Bernard t'a parlé des frustrations. J'ai tout compris. Je comprenais ce que tu disais, là. Mais il y a une personne qui m'a demandé, oui, mais il a dit quoi? Je sais pas. Je suis pas capable de dire rien. Mais le temps que tu l'as dit, je sais que je l'ai absorbé. Ben, elle ne demande pas pour le répéter, je sais pas. Comment tu me donnerais 1000$? Je ne peux pas faire dire deux mots là-dessus. Ou bien là encore, tu demandes une question à Bernard, il y a quelque chose qui te tracasse, tu lui demandes et il te l'explique. Là, comme il faut. Ça va, tu n'auras plus. Deux minutes après, tu. Mais qu'est-ce que tu me dis à ta réponse? C'est vrai? Moi, j'ai toujours, disons, quand je vais aller à une conférence ou pas des choses comme ça, au bout de 15 jours, une semaine, et nous vient creux. C'est impossible que je l'aie remarqué. Jamais. Tu as l'impression de t'en rappeler tout d'un coup. Tu dis, oh, c'est vrai. Mais si tu le cherches, tu ne le trouves pas. Pourquoi tu le cherches? Ça devient instantané. C'est impossible qu'on le cherche parce que c'est une chose qu'on comprend. Non, mais je dis, quand tu essaies de comprendre de quoi, là, tu cherches, tu cherches, tu cherches, tu crois. Ok, je vais commencer sur un autre point. Mais éventuellement, on s'ajuste, même aux mots, même si les mots sont pas précis, on sait ce que ça veut dire. C'est sûr. Oui, parce que moi, la vibration, c'est un, puis le mot, c'est deux. Ouais, exactement. C'est toute ma vibration. Des fois, je parle toute croche, j'emploie les mots qui sont pas corrects, puis ça passe pareil que la vibration. Je me suis accroché sur quelque chose, je suis vraiment en l'air. Tu parlais que la planète est englobée d'un champ de tapis, c'est plus cher qu'un tout bon. Donc, il faut qu'il soit conscientisé avant que ça se passe. Qu'il soit indépendant de la gravité. Tu dis indépendant de la gravité, il n'y a pas plus. Robertin, accepte pas de ce matériel-là. Tu peux avoir de ça. Il dit la seule chose pour nous autres qui est importante, c'est le matériel qui nous permet d'avancer dans la vibration de l'âme dans l'ego. Tout le reste, c'est pas important parce que ça nous aide, ça développe notre intellect. Ça nous rend philosophique. Ils veulent pas qu'on soit philosophique. On est très intelligent, mais on se bloque. On est très intelligent, mais on se bloque. Ah, ok. Là, le point qu'ils veulent faire, ils disent que c'est par nos erreurs qu'on apprend. Ça, c'est le deuxième volet de la soirée. Il dit les erreurs, ça n'existe pas. Mais pour nous autres, ça existe. C'est ce qu'on appelle l'expérience. Puis il dit, c'est par nos erreurs qu'on apprend. Puis quand on se conscientise, ils nous font faire des choses qu'on considère comme une erreur. Puis il dit que si c'était pas de ces erreurs-là, on ne pourra pas apprendre. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas nous ajuster émotivement puis mentalement à eux autres. Mais il dit qu'éventuellement, on est écœuré de faire des erreurs parce qu'on sensibilise, puis qu'on vient qu'on souffre trop. La moindre erreur qu'on fait, on souffre éventuellement parce qu'on est tellement. On devient de plus en plus sensible au rapport vibratoire entre eux autres puis nous autres. Puis il dit que là, à ce moment-là, notre souffrance qui est liée à nos erreurs est responsable pour la descente, pour la formation de notre volonté. Fait qu'il y a une relation entre faire des erreurs, parce que c'est par les erreurs qu'on apprend, qu'on ajuste nos corps, puis la souffrance de nos erreurs qui est accumulative. Exemple, la femme de Davio, puis l'autre Diane, tu vois. Tu sais, quand tu deviens fâché en dedans, là. Ça, ça amène à la descente de la volonté, puis ça amène à la descente de la volonté, puis ça amène à la descente de la volonté. Ce qu'on appelle nos erreurs, les choses qu'on ne voit pas précisément, que ce soit des erreurs internes ou des erreurs avec le monde matériel, éventuellement, notre sensibilité est tellement grande que ça nous force à. Ça crée un mécanisme de rébellion en nous autres. Le mécanisme de rébellion nous amène éventuellement à descendre l'énergie de la volonté. Puis c'est de là que se forme en nous autres la volonté. Fait que les erreurs sont bien importantes. Mais il s'agit de les comprendre dans le contexte de ce qu'il nous explique. C'est la meilleure façon d'avancer par les erreurs. Mais éventuellement, il faut qu'on arrête de faire les erreurs. Contrairement à l'homme inconscient qui fait des erreurs toute sa vie, éventuellement, il faut que t'en arrives à ne plus en faire d'erreurs, c'est-à-dire que faut que tu en arrives éventuellement à un taux de vibration suffisamment élevé pour vivre une vie bien régulière. Bien régulière. C'est là que tu n'as plus de souffrance. Parce qu'il n'y a plus d'erreurs. Il peut y avoir des interférences, mais les interférences, ce n'est pas nécessairement des erreurs. Si c'est sa route que tu glisses, que tu rentres dans les murs, c'est une interférence. C'est pas une erreur. Une erreur, c'est toujours lié à votre façon de voir les choses, puis à votre façon de penser, puis à votre façon de comprendre, puis à votre façon de vous situer en relation avec le monde extérieur. Alors, il y a une différence entre les interférences et les erreurs. Les interférences, on n'y peut rien. Mais il dit on n'y peut quelque chose. On n'a qu'à pas se prendre au sérieux. Fait que si tu rentres dans les murs, tu scrapes ton char, si tu te prends pas au sérieux, tu en as un autre. Si tu te prends au sérieux, là, tu souffres pour rien. Fait que même au niveau de l'interférence et de l'erreur, tu en arrives à un point où tu souffres plus. Mais il dit que l'erreur psychologique, eux autres, ils appellent ça des erreurs psychologiques. Les erreurs psychologiques, on va en faire tant qu'on n'aura pas développé la psychologie de l'âme. La psychologie de l'âme, c'est la perception vibratoire de ce que l'âme a à te faire faire, à te faire dire. Là, à ce moment-là, tu n'as plus d'erreur psychologique. Mais pour en arriver à ne plus avoir d'erreur psychologique, il faut que toutes les illusions de la forme soient détruites. Je vais en prendre une, par exemple, la culpabilité. Toutes les choses humaines, toutes les choses qui sont liées à notre inconscient, à notre spiritualité, patata, quand c'est éliminé, ça, quand tu commences à être un petit peu comme lui, comme Davio, il est rendu à être un petit peu... comme je veux dire, quand je parle d'être centré. Dans ce sens qu'il commence à être suffisamment interne pour se fouter de l'extérieur. Pas se fouter de l'extérieur psychologiquement. Se fouter de l'extérieur dans ce sens de ne pas être influencé par l'extérieur. Alors, si tu es inconscient et tu as cette vibration, ça apparaît comme dans la tête de cochon. Si tu es conscient, puis tu te conscientises, puis tu as cette vibration-là, ça apparaît à être moins comme dans ta cochon parce que tu fais moins d'erreurs psychologiques. Fait que Davio, à un certain moment, il ne fera plus d'erreurs psychologiques dans ce sens que son langage va changer. Dans ce sens que la vibration qui passe de l'âme à l'ego va être tellement forte, va être tellement ajustée, que les mots vont être justes. À ce moment-là, il n'y aura plus de conflit de personnalité entre sa personnalité et l'extérieur. C'est lui qui va donner à sa personnalité la couleur qu'il veut. petit peu. Ouais, tu veux dire? Mm-hmm. Est-ce que tu vois ça? Mm-hmm. Ça, c'est l'ajustement vibratoire des corps. Comme moi, je contrôle l'énergie de ma personnalité à un point tel que si je veux être bien fin, je peux être bien fin. Si je peux être bien baveux, je peux être bien baveux. Si je peux être bien... Dépendant de ce que j'ai à faire. Mais il faut pas que ça soit mécanique. Faut pas que je sois bien fin ou que je sois bien baveux parce que je fais une erreur psychologique. Faut que ça soit l'âme qui détermine sur l'ego ce que le comportement de la personnalité. Ouais. Faut que ça soit l'âme qui domine l'ego, qui domine la personnalité. Fait que si l'âme veut que je sois baveux, je suis baveux. Si l'âme veut que je sois fin, je suis fin. Mais moi, je suis neutre là-dedans. Fait que la personnalité, elle sert. Mais à ce moment-là, tu peux plus faire d'erreurs psychologiques. Tout ce que tu fais, c'est correct. Mais tu peux pas avoir de mécanisme intérieur subjectif. Je prends la culpabilité, par exemple. Parce qu'à ce moment-là, la culpabilité, c'est un jeu entre l'ego et la personnalité. Il n'y en a plus de jeu entre l'ego et la personnalité. La personnalité sert l'esprit. In the meantime, on fait ce qu'on appelle des erreurs, dans ce sens que on fait des erreurs psychologiques parce que les corps ne sont pas ajustés. Parce que la relation entre l'âme et l'ego n'est pas parfaite. C'est pour ça qu'il dit que faut que les gens apprennent à se prendre objectivement. Si les gens ne se prennent pas objectivement, automatiquement, ils vont souffrir dans leur personnalité parce que la vibration de l'âme devient de plus en plus forte. Puis il vient un temps où la vibration de l'âme est suffisamment forte que si l'ego et l'âme n'est pas totalement ajusté, l'autre ego, lui, il va en prendre une canisse. Autrement dit, un ego qui ne le prend pas objectivement, lui, il va en souffrir. Parce que c'est pas un cadeau, lui. Parce que l'énergie de l'âme est forte. Quand l'énergie de l'âme est forte, la personnalité n'est jamais un cadeau. Elle s'ajuste avec le temps, mais jamais un cadeau. Mais lui, intérieurement, il peut agir d'une façon qui est réellement objective. Mais l'ego qui n'est pas ajusté, il va le prendre subjectivement, il va souffrir de Davio. Puis ça fait partie de l'expérience de l'ego. L'autre ego, pas l'expérience de Davio. Parce que l'énergie apporte de lui vers l'autre. Allez, allez. Puis il dit que les enfants de lien doivent se prendre et apprendre à vivre objectivement leur rapport parce que leurs rapports sont éventuellement équilibrés par l'âme et non par l'ego. Fait que, in the meantime, il y a des erreurs qui se commettent entre vous autres. Vous ne savez pas comment parler. Vous dites quelque chose qui n'est pas ajusté. Fait que l'autre, il vibre. Fait que ça vous sert à vous, celui qui vibre, de l'autre. Si tu dis quelque chose, toi, puis c'est croche, puis l'autre, il vibre, c'est pas ton problème, c'est son problème à l'autre, c'est plus le tien. Faut pas que tu aies de culpabilité. C'est vrai. Sans ça, tu perds de l'énergie. Tu construis jamais tes centres d'énergie. Il y en a parmi vous autres qui sont des bons centres d'expérience. Ils appellent ça des centres d'expérience pour d'autres. Davio, Zanetter, tous ceux qui ont des personnalités fortes, là, qui peuvent avoir des têtes de cochon. Lui, là, Croteau, Diane, pas des cadeaux. La belle enfant, surtout pour les femmes. Pas un cadeau, la belle enfant. Tu sais, quand je disais, parce qu'eux autres, quand je vous rencontre dans les séminaires, puis ils me disent, des fois, lui est important, vous autres, vous savez pas. Parce que moi, quand je dis lui est important, vous autres, vous pensez qu'il est important dans le sens que ça va devenir un pape plus tard. C'est pas le même que je veux dire. Quand je dis est important, c'est que lui, il va servir pour la transformation de vos corps. Puis il peut servir pour d'autres choses. Mais je sais ce que je veux dire, moi. Parce qu'il va venir un point où ceux qui ont les personnalités les plus fortes vont servir à faire vibrer ceux qui ont les personnalités les plus faibles. Ça se continue, l'énergie. Puis il dit que ça ne fait pas que ceux qui ont des personnalités plus fortes sont plus importants que ceux qui ont des personnalités plus faibles. C'est l'âme qui rend le show. D'abord, l'autre bord, on se rend compte tout à ce niveau-là. Mais celui de l'âme matérielle pour le travail, c'est comme ça que ça marche. Puis se prendre objectivement, prendre une personne objectivement, c'est pas facile. c'est pas facile. C'est pas facile. Moi, je peux faire quasiment les quatre vents avec vous autres parce que vous me connaissez. Mais s'il y en a un autre qui fait les quatre vents, là, c'est pas pareil. Là. C'est pareil, là. Moi, je peux le faire, mais lui, il peut pas le faire. Mais il y en a qui savent le faire. Puis le malenfant, c'est peut-être celle qui sait le plus le faire de toutes vous autres. C'est une casse-pied au bout, le malenfant. Ça, je comprends ce que tu dis. Ah ouais, tu te comprends. Il y a un changement vibratoire dans sa personnalité d'un jour à l'autre quand il est venu du séminaire. Elle, elle a souffert de moi dans le séminaire. Parce qu'il dit que la conscience universelle des enfants de la lumière, c'est une conscience qui servira dans un autre monde et non sur la Terre. Ce qui se passe à la Terre, c'est pour l'augmentation de la vibration de cette énergie-là. Fait qu'il dit, entre vous autres, prenez-vous objectivement. Prenez-vous jamais subjectivement, vous allez souffrir pour rien. Puis si vous faites moindrement partie de cette énergie-là, éventuellement, ils vont vous amener à être totalement objectifs. Puis c'est là que vous vous unissez dans votre esprit. Il y en a qui sont plus que l'autre. Ben, c'est un petit toutou. Tout le monde l'aime. Il fait son dieu des fois, mais tu crois ce qu'il dit, ça. C'est du dieu mou, mais c'est pas sa job de même, c'est un autre job d'une autre façon. L'enfant, le mal enfant, elle me parle des fois, elle me fait tellement rire, j'en ai des bosses à la tête. Je suis pas capable de dire. Puis souvent, on souffre dans notre jeunesse avant le contact de cette vibration-là parce qu'on la comprend pas, qu'on la sait pas. Mais quand elle s'ouvre, elle devient puissante. C'est ce qui est arrivé avec elle. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut qu'on se prenne objectivement. C'est bien important qu'on se prenne objectivement. Bien important. Bien important. Puis au fur et à mesure que j'avance, il m'a dit, ah, il y a Davio, il y a l'autre, il y a l'autre, il y a l'autre, il y a l'autre. Si vous vibrez quand je dis ça, c'est l'ego qui veut. Parce que je suis obligé de dire, il y a lui, il y a lui, il y a lui, il y a lui, parce que plus tard, mais que je pars, il va rester lui, puis lui, puis lui, puis lui. Puis ça continue d'affaire après. Puis ça continue après. Puis ça continue après. D'abord, il n'y en a pas un de vous autres qui sait ce qu'il va faire plus tard. Ça vous est voilé, ça, comme... Mais un jour plus tard, vous allez voir, vous allez le réaliser par vous-même, et non par moi. Ce qu'il faut qu'on se débarrasse le plus vite, nous autres, c'est de penser qu'on est des êtres humains. Y'en a-tu qui comprennent ça? Comprenez-vous? Ça, c'est dur à se débarrasser de ça parce qu'on a de l'émotion, on a de la subjectivité, on a de l'ego, on a des valeurs humaines, on a des valeurs matérielles, on a des valeurs, on pense en relation avec l'espace-temps. Mais quand ils vont ouvrir votre centre-site, là, vous allez voir l'autre bord, vous allez voir qu'on est bien plus que ça. L'homme est bien plus que ça. D'abord, l'homme n'est pas fini encore, ça, l'émotion. Tant qu'on pense qu'on est des êtres humains, ben on fonctionne psychologiquement en relation les uns avec les autres dans une norme qui est humaine au lieu de fonctionner dans une norme qui est réellement universelle. Puis c'est quand tu commences à rentrer dans la norme universelle que là, tu commences à avancer vite. D'abord, votre rapport entre vous autres et moi, il est justement comme ça. Votre rapport entre vous autres et moi, c'est un rapport qui est universel. C'est ça qui vous amène à avancer, puis à avancer, puis à avancer, puis décortiquer tout le matériel. Mais entre vous autres, il faut que vous puissiez le faire aussi. Moi, je suis un capitaliste dans cette patente-là. Mais entre vous autres, il faut que ça, vous en arriviez à pouvoir vivre de cette même vibration. D'ailleurs, plus tard, vous allez vivre avec de cette vibration-là. Vous allez vendre vos maisons, plus tard, vous allez sacrer votre camp dehors de ville. Toute la gang. Vous ne pourrez plus vivre en ville. Puis quelle place vous allez aller? Vous allez aller jusqu'à quelqu'un dans le bout qui vit, que vous connaissez. Puis ça, je vous dis ça à l'intérieur de 10 ans. À l'intérieur de 10 ans, vous allez être obligé de sortir de la ville puis aller. Cassez-vous pas la tête. Oui, tu commences à faire des plans. Enfin, vous allez aller vivre où? Vous allez aller vivre dans un environnement calme où il y a des gens que vous connaissez. Puis ça continue de même, ça continue de même. Prenez-vous objectivement. Parce qu'il va venir un point où vous n'aurez plus d'amis sur la terre que vous autres même. Puis déjà, c'est commencé. Je vous l'ai dit dans le séminaire. Vous aurez des amis, puis ce seront vos amis. Vous n'aurez plus d'amis sur la terre. Oh, que c'est là. Parce que tout est vibratoire. Il n'y a plus rien de psychologique après un certain nombre d'années. Tout est vibratoire. Quand je dis que tout est vibratoire, ça veut dire que tout est terminé d'en haut. Par en bas. Fait que l'ego suit, lui. L'ego, il n'y a plus de pouvoir. Il est dans le pouvoir de l'âme. Il n'y a plus de pouvoir. Il est comme un poisson dans l'eau, puis il suit le courant de la rivière. Puis il est bien. Vos études, puis vos affaires, puis dans la société, dans le système, éventuellement, vous ne pourrez plus. Vous allez trouver d'autres façons pour vivre. Ils vont être très simples. Très simples. Très fort, là. Hein? Quand tu fais en connexion, tu passes de 0 à 0. Parce qu'on rend, on se rend vie complexe à cause de notre intellect et notre machine en haut. Fait que l'objectivité de conscience entre vous autres, puis la réalisation, mettre de côté votre ego, puis laisser passer l'énergie, puis sentir ce que l'autre veut dire, pas ce que vous autres vous pensez qu'il veut dire. C'est un œuvre en lui-même. Il viendra un jour où vous serez seul. Où vous serez entre vous autres, vous ne serez plus avec les hommes. Vous ne pourrez plus être avec les hommes. Il n'y aurait plus rien avec les hommes. Vous serez dans le supplémentaire. Que vous soyez dans n'importe quel pays, ce sera avec ceux que vous connaissez. Les gens parlent des enfants de lumière depuis des siècles de temps, puis Casey en a parlé avant sa mort, puis tout. C'est commencé. C'est commencé. Tu viens à un point où tu viens de toi-même. Rien de toi-même. Toute part de toi-même. Il n'y a plus rien de l'extérieur qui peut rentrer. Non, il n'y a plus rien de grand. Il n'y a plus rien d'influent. Que tu ailles n'importe où, que tu ailles en ville, tu regardes des visions, il te parle tout le temps, puis il te parle tout le temps, puis il te parle tout le temps, puis il te parle tout le temps. Puis là, tes pensées sont plus là pour bloquer. Là. Fait que tu dis, ça vaut rien, ça vaut rien, ça vaut rien. Quand tout le monde dirait ça vaut quelque chose, ça dit ça vaut rien, tu restes avec le produit final de ce qu'ils disent. Là, ton ego ne vit plus, t'as plus d'insécurité, t'as plus de. Tu deviens une tête de cochon. Moi, c'est pour ça que je l'aime, Davio, parce que j'ai une tête de cochon. C'est bien moins difficile d'amener des gens comme ça à la conscience que d'amener des gens qui sont bons et qui sont spirituels. Ils sont déjà préparés, eux autres. Ça peut être t'étoffe ses reins de sa femme pendant un certain temps, mais sa femme arrive à la conscience. Faut que ça se retasse ensemble. Mais on est tous dans la même situation. Moi, il y a du monde, j'ai pas de travail à faire avec. Moi, Davio, je sens pas que j'ai du travail. Des fois, elle m'a dit telle chose. C'est bien plus de qu'on soit unis dans notre esprit, moi et puis lui, qui compte que tout le reste, la jasette. On n'a pas besoin de Josette, moi, puis Davio. Pas plus que j'ai besoin de Josette avec Croteau. On devient des chums. Mais ce stage-là, il n'est pas arrivé avec tout le monde. Quand je pourrais dire avec tout le monde que c'est tout est mon chum, tout est mon chum, tout est mon chum, là, ça veut dire qu'il n'y a plus de travail à faire, j'ai plus rien à dire. J'ai rien qu'à t'écouter parler, puis c'est ça. Final. Faut qu'on en vienne à ce point-là. Faut qu'elle s'aplatisse la pyramide un jour. Mais là, le grand pourcentage est encore à l'affût de. Essaye de comprendre, puis comprendre. On va rester ici jusqu'à ce point-là. Il y a bien du monde parmi vous autres qui peuvent vous passer, de, qui peuvent vous parler et vous faire comprendre quelque chose. Puis si vous êtes objectif, vous allez les prendre. Il dit qu'il aime ça des têtes de cochon parce que le noyau est déjà là. Tandis que vous n'avez pas de noyau. Fait qu'il faut le former le noyau. Puis former le noyau, c'est long. Tandis que quand quelqu'un a déjà une tête de cochon, ben le noyau est déjà là. Puis ça, ça dépend des tempéraments, des caractères, ça dépend bien des affaires. Mais tous les noyaux qui sont déjà là avant le contact avec eux autres, on se fait dans leur vie d'une tête de cochon, puis on fait souffrir de ceux qui étaient autour des autres parce que c'était pas ajusté encore. Puis une fois que ça commence, les gens commencent à comprendre à ce moment-là, ben, on apprécie ça à la tête de cochon de l'un puis de l'autre. Allô, ma belle? You better send her upstairs, she might misinterpret what I say. Il a des pains de dos, nous, hein? Oui, oui. Il y a des conversations qui sont là, tu sais. Si deux enfants, c'est moi, d'une telle dégagée, ils vont commencer à être de même, tu sais, c'est pas ça, ils comprennent pas. Encore là, vous les ramollir. Ouais. Attends qu'ils grandissent, toi. Chiasson, c'est un autre. Chiasson, c'est un autre qui absorbe par osmose. Elle absorbe par osmose, par osmose, par osmose, par osmose. C'est un autre, ce chiasson. Je commence à comprendre bien les affaires. Mais là, dans une période difficile, là, comme une anguille qui glisse à la glace. Mais l'anguille est droite. C'est intéressant, son anguille. Elle glisse, mais elle est droite. D'ailleurs, je vais tout vous indiquer au fur et à mesure que j'avance. Elle n'est pas prête à parler, si elle s'en va. Il dit, vous allez être content plus tard de savoir. Parce que de par vous-même, vous avez encore trop de personnalité de par vous-même pour dire, ah, mais lui, quand ça passe par moi, mais ça fait comme c'est un petit peu plus stable. Un jour, vous allez comprendre, vous allez être content de savoir que lui, vous pouvez parler de telle chose, l'autre, vous pouvez parler de telle chose, l'autre, vous pouvez parler de telle chose, l'autre, vous pouvez parler de telle chose. Parce qu'il dit qu'il va venir un temps où vous allez être tellement seul dans la vie. Quand il dit ça, il veut dire en relation avec les événements du monde. Ça va être tellement mal dans le monde. Puis moi, je serai pas là dans ce temps-là. Ça va être tellement mal dans le monde que vous allez être content de savoir qu'il y a des gens dans le monde qui sont très centriques. Parce que les gens évoluent pas tout au même rythme. Il y a des gens qui ont une très grande sensibilité, une très grande force intérieure, mais qui ne sort pas encore. Le gaz n'est pas sorti du terrain. Michel Aimé, comment ça s'appelle? Aimé Michel, c'est un exemple. Dans 8 ans, Aimé Michel, il va être centrique. Jimmy Michaud. Ça a été bien plus difficile pour Michaud de me voir objectivement, moi, que de beaucoup d'entre vous autres. Parce que Michaud, c'est pas un cadeau. Puis c'est pas un cadeau pour bien des raisons, parce que il est pris avec un problème de très haute sensibilité, plus un problème de très haute spiritualité, plus un problème d'une personnalité qui a été affaiblie pour la raison même de la formation du canal. Fait que c'est pas facile vivre avec une personnalité comme la sienne. Mais quand le travail est fait, ça fonctionne. S'il y en a un qu'il faut prendre objectivement, c'est Michaud, parce que c'est pas un cadeau quand il parle. C'est toujours croche. Il y a toujours de l'émotion dedans. Il y a toujours une sorte de rationalisme spirituel dedans. Et la vibration est là. Donc, il dit que c'est bien important de nous prendre objectivement. Il dit qu'il n'y en a pas un de nous autres qui a quelque chose à prouver. Mais on a beaucoup à dire. Toute la gang, pas que moi. Puis quand les gens se prendront objectivement, les gens se diront beaucoup de choses et les gens verront et comprendront beaucoup de choses par eux-mêmes. Parce que c'est en parlant que tu découvres ce que tu sais, c'est pas en pensant. Puis ça, c'est bien important, ce point-là. C'est en parlant qu'on va apprendre ce qu'on sait, non en pensant. Ça, c'est une clé. Ça n'est pas la question de Mme Arlette qui se demandait si elle devait parler. En parle assez. C'était plutôt si je dois rester court à mes recherches ou si je dois. Elle parle pas, Mme Martin. Allez. Elle questionne en parlant. C'est pas pareil. Elle questionne en parlant. Si tu regardes son dialogue, elle, là, c'est des questions en parlant. Non, mais elle disait tantôt, est-ce qu'on doit commenter? Alors, en commentant, c'est là que tu apprends. Commenter quoi? Commenter tes entre rencontres, nous. Par exemple. Elle se demandait si elle devait commenter tes rencontres. Alors, en parlant, c'est là qu'elle apprend, c'est là que ça rentre. C'est de même que je vois ça. Commenter les rencontres. Après une rencontre, si quelqu'un dit, par exemple, qu'est-ce qu'il te dit maintenant? Si tu te mets à parler, c'est là que ça sort. C'est là que tu apprends. Si quelqu'un te demande qui c'est qui a dit Bernard, tu te mets sur sa vibration. Oui. Automatiquement. Fait que tu vas tout sortir croche. Mais non, si tu laisses venir la lumière, si tu laisses venir les réponses, tu te questionnes. Il y a quelque chose qui marche pas là-dedans. Je joue le jeu. Hein? Je joue le jeu. Ah. Oui, tu joues le jeu. Tu joues le jeu. Mm-hmm. Parce que c'est un jeu. Il y a quelque chose à dire. Répondons à cette question-là, oui. Moi, ce que j'avais dans la tête, là, c'est peut-être une réponse que j'avais donnée une fois, ça a sorti tout seul comme ça. J'avais dit que quand tu prends la vie au sérieux, la vie se fout de toi. Mais quand tu te fous de la vie se te prend au sérieux. Ah. Ça met du bon sens. Mais c'est pas tout le monde qui peut faire ça. C'est pas tout le monde qui peut se foutre de la vie. Pour pouvoir se foutre de la vie, il faut être bien sécure en dedans. Puis les gens sont pas arrivés à ce point-là. Les gens veulent trop connaître la vie. Ils sont trop intéressés à la vie. Ils veulent trop comprendre. Pour répondre à la question de la dame, là. Quand on se parle, c'est là que ça sort. C'est ça. On pose pas de questions, on peut juste se parler comme ça, là. Il n'y a pas de questions. Bah. C'est ça la réponse. Vous devriez vous parler. Quand on dit des choses qu'on sait pas, qui devrait répondre. Ouais. C'est là que. Parce qu'il dit. Il dit si vous demandez des questions à quelqu'un qui n'a pas parole encore, la vibration, elle va sortir et crache. Mais si vous parlez, à ce moment-là, vous ne forcez pas l'ego à s'ajuster à ce qui a été dit. vous créez une situation où l'âme descend, où l'énergie de l'âme elle descend dans l'ego, puis ça part. Demandez qui c'est qu'elle dit, maintenant ça revient encore à une sorte de curiosité, ça. C'est une sorte de curiosité. Une curiosité là-dedans, quelque part. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça dépend comment tu l'approches, l'affaire. Il dit, c'est dans le là, c'est dans. C'est quand vous allez vous parler entre vous autres que vous allez apprendre. C'est pas en demandant des questions. En vous parlant. Souvent, on va se parler, là. Pour voir que tu perds le fil. Non. Tu perds, là. Vous parlez le fil. Sais-tu pourquoi vous parlez le fil quand vous parlez? Parce qu'à un certain moment, vous voulez accélérer le processus de la conversation. Puis ça, c'est exactement ce qui se passe. Quand vous parlez le fil, il vous le coupe le fil. Regardez. C'est à eux autres, il faut que ça passe par eux autres. C'est là que si tu accélères la conversation, c'est là que tu embarques les goûts de l'intellect. C'est ça, exactement. Moi, des fois, je parle, quand je parle, ça parle. Puis quand je parle plus, ça arrête. Je sais pas, vous commencez à me casser la tête. Je suis obligé de me lever, je mange des raisins ou je fais quelque chose. Ensuite, je continue. Mais nous autres, on veut tout que ça marche. Puis que ça marche, puis que ça marche, puis que ça marche. Puis qu'on rentre l'intellect là-dedans. Le problème, c'est que des fois, on est 4-5, puis tout le monde veut parler en même temps, on a tout, ça a quelque chose à dire, c'est que... Vous avez jamais quelque chose à dire en même temps. Au niveau de votre ego, oui. Si vous étiez tourné, vous verriez qu'une vibration, elle passe dans un, puis ensuite, elle passe dans l'autre, puis ensuite, elle passe dans l'autre, puis ensuite, elle passe dans l'autre. C'est vos égos qui sont pognés dans la conversation, à vouloir faire de la conversation. Non. Il y a un moment pour chaque homme de parler. Pas penser à quoi dire. Quand ça part. Toi, t'es venu pour parler, t'as parlé, là. Moi, je m'en venais pour parler. Ça a coupé net dans ma tête, je t'ai laissé parler. Mais vous autres, vous laissez passer le matériel. Parce que c'est encore au niveau de l'ego. D'abord, il dit que quand vous êtes plusieurs personnes, pas nécessaire que tout le monde parle. Pas du coup des groupes de 100-200 personnes. Une vraie gang de bouche. Tout le monde parle en même temps. Quand tu réalises que c'est quand tu parles que tu apprends, tu réalises en même temps une vibration. Il y a une vibration là-dedans. Quand tu réalises ça. Il ne faut pas que ton ego embarque dans ce que tu dis. Ça passe, ta vibration passe. Ça passe pas, passe pas. Si tu fasses la note automatiquement, le matériel n'est pas ajusté, puis là, tu vas avoir un autre ego qui va te mettre un bloc. Qui va te dire, ah oui, mais. C'est subtil de parler. C'est un art de parler. C'est parler. Tout bon.